Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire du Canada. Ça prenait une victime. Le roi puis son entourage, pour oublier que c'était eux peut-être qui étaient responsables de la chute de la Nouvelle-France, ils ont créé de toutes pièces l'affaire du Canada. On m'a arrêté en 1761. J'ai été emprisonné pendant 2 ans à la Bastille, monsieur. J'ai subi un procès. On a voulu même me condamner à mort. On a saisi tous mes biens. L'historien Jacques Lacourcière, qui personnifie dans l'extrait qu'on vient d'entendre l'intendant François Bigot, extrait de l'émission Ici comme ailleurs, diffusée en 1989, entre la capitulation de Montréal et la signature du traité de Paris qui officialise la perte ou l'abandon de la Nouvelle-France par la France, va se tenir à Paris un important procès au cœur duquel se trouvera justement l'intendant Bigot, procès directement lié à cette défaite de la conquête et dont on parlera comme de l'affaire du Canada. Montréal et la Nouvelle-France capitulent le 8 septembre 1760. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant 3 ans, Anglais, Français et Espagnols vont négocier le traité de paix qui mettra fin à la guerre de 7 ans. Le conflit était mondial, son règlement le sera aussi. Et le sort de la Nouvelle-France n'est qu'un des enjeux de ces tractations. C'est comme ça que ça se joue. On est sur une scène internationale, c'est un conflit mondial, on met dans la balance des morceaux à gauche et à droite, puis il n'y a pas de sentiment trop là-dedans, il y a des affaires. Pour moi, il y a une forme d'abandon. Et je le critique pas. Pour ceux qui étaient au pouvoir en France, il s'agissait de regarder tout autour et de chercher où était vraiment l'intérêt de la France. Et puis, ils ne le voyaient pas vraiment ici. Il y a une volonté claire des Français de ne pas revenir sur la perte de Québec et de Montréal. Pour Choiseul, la défaite française en Amérique, c'était l'aboutissement d'une colonisation qui avait échoué. Extrait du documentaire « La fin de la Nouvelle-France », réalisé par Olivier Julien et Brian McKenna, diffusé sur la chaîne Arte en 2009. Vous y entendiez les historiens Denis Vaugeois et André Champagne. Le contexte qui est décrit dans cet extrait, c'est également celui qui va déboucher sur cet important procès qui va se tenir à Paris entre 1761 et 1763 et qu'on va appeler l'affaire du Canada. Pour nous raconter cette affaire du Canada, je reçois Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC. Éric Bédard, bonjour. Oui, bonjour. C'est donc la fin de la Nouvelle-France, la capitulation de Montréal, qui vraiment sont le point de départ de ce que va devenir cette affaire du Canada. Oui, on aurait pu penser qu'une fois la capitulation de Montréal signée, le 8 septembre 1760, que les Français avaient tourné la page. D'autant qu'on sait maintenant par les archives que la France n'était pas vraiment intéressée de reprendre le Canada dans les longues négociations qui allaient commencer avec l'Angleterre et la Prusse. Que ce qui intéressait au fond la France, c'était le poisson de Saint-Pierre-et-Miquelon et le sucre de Saint-Domingue. Donc, qu'on aurait tourné la page, on aurait essayé d'oublier cet épisode de la Nouvelle-France. Eh bien non, très rapidement, un procès va être tenu à Paris, qu'on va appeler l'affaire du Canada. C'est un procès qui va défrayer la chronique, qui va impliquer le roi personnellement, et même évidemment le ministre des Affaires étrangères Choiseul, qui est l'homme fort du régime depuis 1759. Là, c'est l'homme de la Pompadour, comme on l'appelait ici. Et c'est un procès qui est très spectaculaire et on veut des coupables. C'est une grosse affaire. D'abord, c'est une grosse affaire. Presque 2 ans. Vous le dites, le roi, Choiseul sont impliqués dans ce procès. Des figures importantes du côté canadien, si on veut, vont aussi être impliquées. Mais vraiment un gros procès. Deux des principaux accusés dans ce procès sont François Bigot, l'intendant de Nouvelle-France avant la conquête, et le négociant et munitionnaire Joseph-Michel Cadet. Qui sont ces deux hommes, Éric Bédard? Alors, François Bigot, c'est l'intendant depuis 1748. L'intendant, c'était comme le plus haut fonctionnaire de la colonie. Il y avait le gouverneur, qui était le représentant du roi et qui était le responsable des affaires étrangères et de la défense et de l'armée. Et à côté de lui, depuis Jean Talon, ben, il y avait un intendant. Et François, et c'était l'administrateur en chef de la colonie. C'était quelqu'un de très important. Bigot, donc, avait hérité de ce poste en 1748. Il était donc bien installé durant la guerre de la conquête, bien en poste, bien en selle. Il connaissait un peu, il pouvait tirer toutes les ficelles. Il connaissait connaissait bien l'administration. C'était un homme qui aimait le luxe, qui avait l'opulence, on en reparlera. Et il y avait aussi un personnage très important, Joseph-Michel Cadet, vous l'avez dit, qui était munitionnaire canadien, donc de 1757 à 1760, celui qui s'occupait, au fond, concrètement, d'approvisionner la colonie. Peter McLeod, un historien du musée canadien de la guerre, va dire qu'il a littéralement sauvé la colonie du gouffre. Donc, il sera un héros pour McLeod, mais pour les gens de l'époque, pour l'administration française, il était pointé du doigt parce qu'on estimait que les frais, les coûts engendrés par cette colonie de la Nouvelle-France avaient été vraiment exagéré. Oui. Et ça, c'est vrai, on y reviendra dans un instant, mais il y a une réelle explosion des coûts, mais il y a différents, et ça, les historiens se sont penchés là-dessus, et au fil du temps, on découvre qu'il y a différents facteurs qui expliquent cette explosion des coûts. Un mot d'abord sur ces deux hommes, on y revient, et surtout les circonstances dans lesquelles ils vont être arrêtés. Ben, voilà, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose de louche, c'est les circonstances de leur arrestation qui sont très bien racontées par Guy Frégaud. Guy Frégaud, qui a été le biographe, le seul, on pourrait dire, grand biographe de François Bigot. C'est vraiment fascinant, puisque les deux reviennent en France. Une fois la capitulation de Montréal signée, les deux hommes ne sont pas en cavale, ne sont pas en fuite. S'ils avaient des choses à se reprocher, ils auraient disparu dans la brome. Mais ce n'était pas le cas. Ils reviennent en France, tout bonnement. Cadet demande à être reçu par le ministère de la Marine. Or, c'est là qu'il est arrêté. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que Bigot attend tranquillement dans l'antichambre du ministre Choiseul. Il veut être reçu, il veut être réaffecté. Oui. C'est un haut fonctionnaire de l'État. Toujours au service de l'État. Ah, c'est là qu'il va être épinglé. C'est là qu'on va l'arrêter, dans l'antichambre du ministre. Ah, c'est un peu absurde comme circonstance. Oui. Et ça montre bien que pour ces deux personnages tombent littéralement des nues, ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est plus tard qu'ils vont découvrir le poteau rose. Oui. Et pourquoi, de fait, on les arrête? De quoi les accuse-t-on? Alors, donc, il y a un conseil d'État du roi qui va mettre sur pied, justement, une commission pour faire la lumière sur les dépenses. Et ce qui est accablant, c'est ces chiffres qui sont rendus publics par les procureurs de ce grand procès. De 1730 à 1740, la moyenne des dépenses annuelles de la colonie de la Nouvelle-France avait été de 500 000 livres. Or, de 1751 à 1760, elles vont passer à 13 millions annuellement. Aïe. Et c'est essentiellement sur cette démonstration qu'on va dire, voilà, il y a des sommes qui ont été engouffrées dans cette colonie, et on est convaincus, nous de la Couronne, nous le gouvernement français, que Cadet, que Bigot et que tous leurs alliés, qui avaient tout un système où on détournait des fonds publics, et on a affamé les gens, on a littéralement détourné des fonds, et il faut que les coupables paient. Oui, et ça, ça va être important. Quel poids, au fond, est-ce qu'il y a eu malversation, est-ce qu'il y a eu abus, et quel poids ça a eu dans cette explosion de dépenses? Au fond, dans quelle mesure Bigot, Cadet, la bande à Bigot, comme on disait à l'époque, sont responsables de cette explosion des dépenses dans la colonie? Qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Parce que je le disais, il y a eu beaucoup de recherches après que c'est fait là-dessus. François Bigot était évidemment une cible idéale. Des rumeurs circulaient sur sa fortune. Il s'était clairement enrichi pendant son mandat à la tête comme intendant de la Nouvelle-France. Il y avait des rumeurs qui circulaient, 10, 12, parfois 29 millions de livres qu'il aurait accumulés durant son mandat en tant que intendant de la colonie. Il organisait de grandes fêtes régulièrement lorsqu'il était aux affaires. D'ailleurs, même Montcalm, qui débarque en 1756, en est un peu gêné. Il en parle dans ses lettres. Alors, c'est une cible idéale. Ouais. Maintenant, comme l'explique bien l'historien André Côté, qui a étudié la question, il faut voir aussi le contexte de l'explosion des dépenses. Certainement, on peut penser qu'il y avait des choses louches, mais premièrement, il y avait une guerre qui se préparait. Alors, la guerre en Amérique du Nord, la guerre de 7 ans commence en 1756, officiellement, entre les belligérants européens, mais ici, en Amérique du Nord, elle commence en 1754. Donc, il y a des préparatifs de guerre avant, et pendant que la guerre est menée, eh bien, évidemment, ça coûte très, très cher. Deuxième élément qui peut expliquer cette explosion des coûts, c'est la crise économique qui va sévir durant la guerre de la Conquête. enquête, hein, durant l'hiver de 1757-58, on va connaître une terrible famine dans la vallée du Saint-Laurent. De nombreux soldats sont à nourrir. Le Canada accueille aussi plusieurs réfugiés acadiens. Et ça, ça fait exploser les dépenses. Mm-hmm. Et comme on a eu une famine durant l'année 57, comme on a eu de mauvaises récoltes, eh bien, on va remplacer le blé par le riz, la viande de bœuf par la viande de cheval, ce qui va d'ailleurs amener des manifestations de Canadiennes contre le fait de manger du cheval. Hein, on appelle à manger du cheval. Et dernier élément, c'est sûr qu'il y a eu des abus. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu de la corruption. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas avoir nos critères d'aujourd'hui, même si vous allez me dire que nos critères d'aujourd'hui sont à discuter. Mais sous l'Ancien Régime, on distingue mal le domaine privé du domaine public. Par exemple, les percepteurs d'impôts à l'époque de l'Ancien Régime sont des fermiers, ils sont responsables de leurs charges. On leur donne un montant à aller chercher, mais on ne regarde pas les moyens. Hein? Et bien, de la même façon, il y avait toujours une confusion. Il y avait une confusion entre le domaine privé et le domaine public. On chargeait des fonctionnaires d'aller chercher des sommes, mm-hmm. ou de percevoir des sommes ou de s'arranger avec l'administration des choses. Et c'était comme convenu que ces responsables, que ces fonctionnaires se payaient à même le trésor public. Bon, la question, c'était les proportions. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces intermédiaires étaient souvent détestés de la population. Hein, mais en fait, c'était tout un système qui était, disons, organisé de cette façon-là. Ouais. Donc, effectivement, probablement, certaines pratiques d'abus qu'on peut mettre en contexte, comme vous venez de le faire. Mais encore une fois, quel poids ça a dans l'équation? Il n'y a pas que ça. Il y a la guerre qui coûte cher. Il y a cette situation économique qui coûte cher aussi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est connu que l'intendant Bigot a des goûts de luxe, vit de manière assez fastueuse. Voilà. On écoute à ce propos, justement, le chanoine Lionel Groulx décrire le mode de vie fastueux de François Bigot dans le cadre de son cours d'histoire du Canada qui est diffusé à CKAC en 1950. François Bigot, qui raffole des fines mangeailles, tient une table qui lui coûte 40 000 livres par an. N'a-t-il pas traîné dans ses bagages une vaisselle d'argent d'une façon riche et rare, qu'après sa déconfiture, les plus grands de France se disputeront. D'ailleurs, à Québec, dans la société de la petite capitale, grossit l'hiver des officiers de l'armée, les fêtes sont l'ordinaire passe-temps. La chronique mondaine n'est rien d'autre qu'une chronique de bal et de festin. Nulle part, toutefois, l'on ne s'amuse autant que chez M. l'intendant. Le peuple meurt de faim, la sédition gronde. Chez M. Bigot, tous lustres allumés, se succèdent les festins de 80 couverts, accompagnés de concerts et de danse. On dirait un petit Fouquet colonial. Folie et vertige des sociétés qui sentent leur faim. Alors, ces excès auxquels se livre François Bigot, vous le disiez, Éric Bédard, il y a quelques minutes, ça fait de lui une cible de choix, même s'il y a d'autres facteurs qui expliquent l'explosion des dépenses en Nouvelle-France sous Bigot. Il y a ce côté-là qui va être important dans le procès qu'on va lui faire dans cette affaire du Canada et qui compte aussi là, dans le contexte. Oui. Quelque chose de choquant, Lionel Groulx le disait, ce faste dans ce contexte économique-là. Oui, absolument. Alors, donc, justement, c'est une cible idéale. Les dépenses ont explosé. Nous venons de perdre le Canada. Donc, les procédures vont commencer officiellement en novembre 1761. C'est un procès qui n'est pas comme les autres, puisque le roi met en place une commission judiciaire extraordinaire qui va être composée de 27 membres. Et à l'origine de cette affaire, il y a une décision du Conseil du roi. Hein, et je vous la résume. Le roi a informé que dans ses colonies de l'Amérique septentrionale, et particulièrement dans celle du Canada, il a été commis des monopoles, abus, vexations et prévarications qui ont porté un préjudice notable aux dites colonies, ont causé la ruine de plusieurs habitants et sont d'autant plus punissables que quelques-uns de ceux qui sont soupçonnés ont abusé du nom et de l'autorité de Sa Majesté. Ça, c'est la décision du Conseil du roi qui amorce le grand procès. Alors, des mandats d'arrestation sont émis contre 29 personnes, mais 7 vont échapper aux autorités. Tous vont être enfermés à la Bastille. En tout et pour tout, c'est 57 personnes qui vont être formellement accusées d'abus de pouvoir, de corruption. Mais celui qui va vraiment passer, on va vraiment passer au peigne fin, c'est l'administration de François Bigot qui commence en 1748, on l'a dit. Et la procédure est vraiment extraordinaire. Le procès a toutes les apparences d'un procès politique, d'un règlement de compte. Les pièces qui vont être versées au dossier sont nombreuses, fouillées. Le principal, d'ailleurs, fournisseur de Bigot, le marchand Abraham Gradis, qui est un armateur de Bordeaux, va devoir fournir un paquet de de papier, de données. Ça va faire des piles de documents incroyables. L'interrogatoire de Bigot, oui, pour montrer l'importance que ça a, le procès dure presque 2 ans, il est interrogé 35 jours. C'est une éternité. C'est incroyable. Son interrogatoire commence le 12 décembre 1762. Ça va durer 35 jours. On s'arrête seulement à Noël. Oui. Et le lendemain de Noël, on continue. Dans une lettre, Bigot écrit « Il y a peu de têtes humaines qui fussent capables de soutenir un assaut aussi violent et aussi long », dit-il à un correspondant. Écoutez, les minutes de son interrogatoire là, font 500 pages, selon l'historien Guy Frégaud. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'intendant Bigot, et ça, c'est très 18e siècle, on en a parlé un peu quand on a parlé de Pierre Ducalvet, va vouloir quand même convaincre l'opinion publique de son innocence, ouais, va produire un rapport en 3 tomes, 1100 pages, dans lequel il va pointer du doigt, lui, 2 Canadiens, comme par hasard, c'est-à-dire Cadet, le munitionnaire général, et Vaudreuil, le gouverneur. Il va dire, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup dépensé d'argent, mais je ne me rendais pas compte que cet argent était mal administré par mes subalternes. Donc, il va constamment, il va tout nier en bloc, il va accuser ses subalternes, et donc le procès, une fois l'interrogatoire terminé, une fois ses preuves fournies, eh bien là, ce sera à la décision d'être donnée. Et elle viendra tard, ça dure presque 2 ans, donc ce qui est fascinant, c'est que cette décision, elle arrive le 10 décembre 1763, juste pour faire un petit rappel à ce qu'on disait au tout début de l'émission, au contexte qui va amener ce procès, la guerre de la conquête, la défaite de France en Amérique, on a même le temps, c'est quand même fabuleux, de signer le traité de Paris avant que le jugement soit rendu. Oui, exactement. Le traité de Paris est signé le 10 février 1763 et ce n'est que le 22 août suivant que le procureur en chef va formellement accuser Bigot d'avoir organisé un système pourri. Il va réclamer pour lui la peine capitale. On va l'accuser d'abus, d'exaction, de malversation, de prévarication, etc. Et le procureur souhaitera là, que non seulement on l'exécute, qu'on le pende, mais qu'on lui accroche au cou un écriteau sur lequel serait écrit « L'administrateur public infidèle et voleur ». Vous voyez, on y va fort. Ouais. Mais malgré donc ce long plaidoyer du procureur, il faudra attendre le 10 décembre avant que la commission rende son jugement. Il faudra même l'intervention du roi, puisqu'on hésitait sur la peine. On hésitait sur la peine et on hésitait sur les coupables. Est-ce qu'on devait bel et bien pendre Bigot, Cadet bon, finalement, la décision... Et le roi n'en peut plus. Il veut un jugement. Il veut que ça longtemps. En finisse. Oui. Là, c'est le cas de le dire. On veut vraiment tourner la page. Et finalement, le jugement sera rendu et Vaudreuil sera relaxé, plusieurs mois avant même. Cadet est forcé de rembourser 6 millions de livres au Trésor royal. Il va être banni pendant 9 ans de Paris. Quant à Bigot, eh bien, il paraît que lorsqu'il apprend son jugement, il est finalement soulagé parce qu'il était presque convaincu d'y passer. Donc, il est banni à vie du royaume. Donc, il va se réfugier en Suisse. Et tous ses biens sont saisis. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Ce jugement, donc, je le rappelle, dans cette affaire du Canada, est rendu après, des mois après que le traité de Paris soit signé. Comment interpréter donc cette affaire-là? Pourquoi un tel procès, alors que la France a décidé elle-même d'abandonner la Nouvelle-France, de signer plus tard le traité de Paris qui officialise tout ça? Pour remettre un petit peu tout ça en contexte, je propose un extrait de la série Marguerite Volant, réalisée par Charles Binamé en 1996, où le seigneur Volant, dans cet extrait, qui est interprété par le comédien Gilbert Sicotte, évoque la rencontre qu'il a eue à Paris avec le duc de Choiseul, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Et ça va nous permettre de terminer l'émission en essayant de voir pourquoi un tel procès qu'avait en tête Choiseul, celui-là même qui décide de renoncer à la Nouvelle-France. Je me suis rendu jusqu'à Choiseul, secrétaire d'État, ministre de la Marine. Je lui dis à Choiseul, on ne peut pas nous abandonner à l'Angleterre, c'est l'honneur qu'il commande. Il m'a remercié, m'a dit que mes paroles l'avaient remué profondément, que j'étais bien le digne fils d'Auguste de Noailles, dit Volant. Il m'a serré la main. Et le lendemain, qu'est-ce que j'apprends? Le roi a abandonné la Nouvelle-France pour le sucre et le rhum de la Guadeloupe. À quoi Choiseul joue-t-il? C'est probablement ce que se pose comme question le personnage interprété par Gilbert Sicotte dans cet extrait de Marguerite Volant. Mais plus sérieusement, Éric Bédard, on peut se demander quelle est la stratégie de Choiseul par rapport au sort qu'il réserve à la Nouvelle-France et où situer l'affaire du Canada dans ce contexte plus large? Bon, alors, sur l'affaire du Canada, moi, j'ai trouvé, en tout cas, deux thèses assez convaincantes. Il y a la thèse de Guy Frégaud, l'historien Guy Frégaud, qui est très convaincante. Au fond, l'affaire du Canada aurait été une diversion, une manière pour le gouvernement de ne pas assumer la défaite de Québec et de Montréal et la perte de la Nouvelle-France, une manière assez classique de diriger le blâme vers d'autres. Et Frégaud, d'ailleurs, note que le jugement de l'affaire du Canada, un document de 78 pages, a été largement diffusé, comme s'il s'agissait d'un document de propagande censé convaincre l'opinion publique. Mais ce qu'il y a de plus intéressant aussi, c'est que Frégaud montre que tous les magistrats qui auront collaboré à l'affaire seront très bien récompensés. Plus que ça, tous les ministres de la couronne se partageront les biens de Bigot et Dieu sait qu'ils étaient importants. Donc, procès politique. Procès politique, diversion. Bouc émissaire. Oui, bouc émissaire, voilà. Deuxième thèse, elle est d'André Côté, je la trouve aussi très convaincante. Ça aurait été une justification pour racheter les lettres de change à 50 % de leur valeur nominale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air un peu du chinois. C'est qu'en octobre 59, un peu plus d'un mois après la bataille des Plaines d'Abraham, la France va être plongée dans une crise financière extrêmement grave. Circulait encore, évidemment, ce qu'on appelait à l'époque des lettres de change. Des lettres de change, c'est un peu les ancêtres du papier-monnaie. Mm-hmm. Et la couronne promettait de rembourser la valeur de la lettre de change. C'était un peu comme en valeur d'or, évidemment. Donc, c'était un peu comme du crédit, mais en papier. Or, en octobre 59, l'État français décide de suspendre le paiement des lettres de change. Alors, vous imaginez, pour des gens, c'était terrible. C'était toutes leurs épargnes qui étaient d'un coup qui ne valaient plus rien, qui devenaient de la monnaie de singe, c'est le cas de le dire. Alors, plusieurs, à ce moment-là, vont craindre une banqueroute de l'État français. Alors, évidemment, une fois la conquête faite, eh bien, les gens qui avaient des lettres de change voudront quand même être remboursés. Ils vont avoir des demandes répétées. Et selon André Côté, eh bien, ce procès donnera le prétexte en or pour rembourser les lettres de change à 50 % de leur valeur nominale en disant, voyez, il y a eu des dépenses excessives. Ce n'est pas de notre faute. Donc, on rembourse seulement la moitié. Vos lettres de change ne valaient pas ce que vous pensiez que ça valait. Donc, une belle économie. Ouais. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du Québec, dont tout récemment l'ouvrage « Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français ». Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.